Seigneur, tu es digne de gloire. C'est toi mon souverain bien. Je me prosterne devant ta majesté pour t'adorer, roi Adonai. Je déclare en cet instant, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Adonai, béni soit ton nom, rose de Saron, tu es si bon, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination demeure pour toujours. Adonai, béni soit ton nom, rose de Saron, tu es si bon, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination demeure pour toujours. Adonai, béni soit ton nom, rose de Saron, rose de Saron, tu es si bon, Dieu tout-puissant, sainteté, sainteté à ton nom, ta domination. Adonai est ton nom, le Dieu de l'univers. Tu mérites l'honneur, la gloire et la majesté. Les 24 vieillards se prosternent devant ta magnificence et ils disent que tu es saint, saint, saint. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Jesus, there is no God like Jesus. There is no God like Jesus. There is no God like Jesus. There is no. There is no. ton nom, toi qui règnes pour l'éternité. Personne ne t'a élu Dieu, tu es Dieu par toi-même, Adonai. Dieu, je chanterai l'alpha et l'oméga. Ma vie, ouais. Jésus, c'est toi l'agneau immolé. Qui est comparable à toi, Dieu. Pour me faire du bien, tu n'as besoin d'avis de personne, oh mon je Dieu. Je lèverai mes mains en ton nom. Tu es digne. Je m'incline devant ta majesté. Je proclame que tu es le Dieu des cieux. Au cœur de toute existence, je te chante. Sainteté à ton nom, Elohim. Toute ma vie, El Shaddai, Sabaoté. Le Dieu grand, le Dieu puissant, celui qui n'a ni commencement ni fin. Tu as quitté ton trône pour venir me sauver. Même le nombre de mes cheveux sont comptés par toi, oh Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Elohim. C'est toi ma raison de respirer, alléluia. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Le grand je suis, c'est toi, le véritable maître de temps et de circonstances. Sur ton trône éternel, je lèverai mes mains en ton nom.